Le micro en même temps. C'est franchement dommage. La la la la. Thank you. Je n'ai pas su te dire que j'ai envie de vivre. Ouais, Caillou, un peu plus, hein, s'il te plaît. force des rapides, des vents qui se déchirent, me donne envie de vivre, donner envie de vivre, à force d'étincelles, que la nature est belle, moi j'ai envie de vivre et de mourir sans chaîne. Cette flamme, la vie est belle quand on aime. Impalpable, cette flamme, la vie est belle, oh oui, quand on aime. La la la la la. Attends, vous comptiez. Je continue. We never know. La la la, ta ta da ta da da, la la la la la la. C'est pas moi, c'est la chanson. Ta da da. Ta ta da ta da da, ta ta da ta da da, ta ta da da. Oui, je suis amoureuse, amoureuse de la vie, ce qu'elle m'a promis, ce qu'elle m'a donné. La da da, la la la la la, la la la la la. Donne envie de vivre, donner envie de vivre, à force d'étincelles, que la nature est belle. Moi j'ai envie de vivre et de mourir sans gêne. Je viens de me réveiller d'un long coma. Force de mourir, je n'ai pas su te dire que j'ai envie de vivre, donner l'envie de vivre, à force de courir, de perdre mon équilibre, moi j'ai envie de vivre, donner l'envie de vivre. La la la, la la la la la la, et oui c'est vrai tout ça, mais pas comme tu crois, j'ai perdu une oreille complètement. On m'a détruit, maintenant je remonte doucement. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ces paroles, je trouvais qu'elles allaient bien avec mon état d'esprit qui était maudit. Et maintenant c'est fini, on reprend goût à la vie. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Et moi je vous aime tous, la la la la la. Jamais un super coup de pouce. Da, da, da, da, da. On est une... une grande famille. On se connaît depuis des années. Oula, je dégénère. Ok, vite, that's for you. We are a big family. I love you all in Japan. Because here it's very cool. We could ever play, play together. We should one day meet on a Sunday. This would be very cool. This would be very cool. Because this is a great place to stay. Force d'être ensemble, que la nature est belle. Moi j'ai envie de vivre et de mourir sans chaîne. Impalpable, oh cette flamme, la vie est belle quand on aime. Impalpable, cette flamme, la vie est belle. Avec un joli fade out. l'instrument. T'as changé l'instrument. Je sais plus moi, j'ai perdu. Ouf. Ah bon? Je savais pas. 6 ans après, j'ai pas encore réagi. Désolée. I'm sorry. Bon allez, j'ai trouvé d'autres paroles, hein. Des paroles moins amoureuses, yes. J'en ai une qui est sympa, comment? Alors, c'est... ce sont les paroles d'une chanteuse canadienne. Ça va être un peu chaud, mais tant pis pour vous. Si j'arrive à suivre. Tout de suite. veux tout, l'image claire et la floue. Sur les sentiments, c'est ma limite. Je travaille pour l'amour sans rendez-vous. Je veux voler sans me faire attraper. Le vide, je vais le remplir de bons ou de mauvais souvenirs. Lui, ça va pas du tout. Rebelle, rebelle. Je veux tout, je veux tout, tout, tout. Je veux tout, je veux tout, tout, tout. Je veux tout. Toi et les autres aussi, quatre coins de ma vie, sur lesquels il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite. Quatre coins de ma vie sur les cœurs, il n'y a pas. te prie, je veux tout. Ouais, tout, tout, tout. Je veux tout et tout, tout, tout. Je veux tout, tout de suite. Elle est ici. Je veux tout, tout, tout, tout. Je veux tout. Je veux tout. Qui fout le bon bordel d'elle? Belle. Tu as l'air relevé. Ce n'est pas moi qui écris les paroles de cette chanson. Je vous avais prévenu qu'elle serait peut-être un peu chaude. Je veux tout, oui, tout, tout, tout. Je veux tout, oui, tout, tout, tout. Je veux tout, oui, je veux tout. Thank you. Thank you. De l'armoire. Cette glace. La la la, fille d'Opanema. se foutant sur le caillou. Clipping. Eh ben, on va jusqu'à 32. 128. Tu veux me faire calculer à cette heure-ci? Déjà, j'ai acheté un cerveau bon marché chez Lidl, donc oublie. À quoi je ressemble? Ben... rien. Thank you. Bah, elle ressemble à moi. Thank you.